Autrefois, des châteaux s'amusaient dans le ciel à défier les outrages du temps. Autrefois, les vaisseaux s'emparaient de la mer en chantant. Autrefois, des marchands ramenaient du Levant des étoiles et des roses de sang et des brumes du Nord aux franges tout encore cousues d'or. Autrefois, des armées s'en allaient loin du temps sans savoir où le temps les menait. Autrefois, des seigneurs s'éteignaient sous des arbres mourants. Autrefois, les amants s'attendaient et leurs serments se chantaient et les poètes mouraient pour une rime. Autrefois, chaque roi voulait rire d'un fou et des fous se prenant pour des rois. On rêvait qu'une reine mourait de plaisir dans leurs bras. Autrefois, les princesses en donnant une nuit à celui qui n'avait pas le droit acceptaient de mourir au bûcher plutôt que de guérir. Et pourtant, s'il fallait revenir à ce temps où l'amour se donnait des amants, comme au ciel et sur terre, nos yeux n'en verront jamais plus. Je choisirai cette nuit et ce matin de ma vie. Ma vie commence aujourd'hui, puisque tu m'as.